Comme tous les ans, au début du mois de juillet, du côté de Villepinte, c'est l'effervescence autour de la Japan Expo, événement bien connu des fans de manga, d'animation, mais également de jeux vidéo. Autant le dire tout de suite, sur la partie jeux vidéo, c'est Nintendo qui est arrivé en force cette année encore, avec énormément de nouveautés, énormément de jeux jouables, que ce soit sur Nintendo 3DS ou sur Wii U. Alors, on va s'intéresser notamment à la Wii U. Qui a permis de voir de nombreuses nouveautés qu'on avait eu l'occasion de découvrir en vidéo sur de précédents Nintendo Direct, mais également le 3 dernier. Alors pour commencer, de nombreuses bornes étaient disponibles pour jouer au dernier jeu de Retro Studio, à savoir Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc jeu qui a été découvert uniquement à l'E3 2013, ce qui était très agréable de le voir. De le voir en version jouable d'ailleurs à la Japan Expo. Alors, autant le dire tout de suite, personne ne va pas être surpris de ce que démontre de qualité du jeu en lui-même, puisque on retrouve forcément le jeu de plateforme qui a fait le succès de la saga, que ce soit sur Super NES ou plus récemment sur Wii et sur 3DS. On retrouve le duo Donkey Kong Diddy Kong avec chacun ses spécificités à lui, à savoir donc notamment pour Diddy Kong l'utilisation du jetpack. Ce qui était intéressant de noter sur la version Wii U donc qu'on a pu tester, c'est qu'on a testé en mode deux joueurs avec à chaque fois pour les deux joueurs l'utilisation du nunchuk et de la télécommande. Donc aucun joueur n'avait la manette entre les mains. Autant dire qu'on trouvait véritablement la jouabilité telle qu'on l'avait découverte sur la version Wii. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, évidemment, parce qu'il y aura toujours l'obligation de secouer les télécommandes, le nunchuk et la télécommande pour obtenir certains gestes, notamment la roulade, avant de pouvoir effectuer un saut très long. Ce qui gênait pas mal de joueurs, donc on retrouvera cette maniabilité-là. Chose intéressante aussi, on aura enfin des phases sous l'eau. Parce que sur la dernière version, Donkey Kong et Diddy Kong notamment étaient allergiques à l'eau, ce qui était bon, plus ou moins gênant, puisque de toute façon le level design des niveaux était tel qu'on n'avait pas besoin de s'en approcher. Par contre, ça peut apporter justement une vraie nouveauté, une vraie nouvelle dynamique sur le jeu sur Wii U. Alors parmi les différents niveaux, donc on avait un niveau de plateforme classique tel qu'on le connaissait, il y avait également un niveau classique puisqu'à base de progression dans un wagon, donc voilà, pour le coup il n'y avait aucune originalité. Par contre, on obtient une véritable augmentation, une véritable appréciation au niveau visuel, puisqu'on est sur de la Wii U, donc on est sur de la HD, donc on est sur des graphismes qui sont beaucoup plus beaux que ce qu'on avait pu voir évidemment sur la Wii. Chose très agréable d'ailleurs à l'œil, puisque en plus les décors sont très très fournis, que ce soit en quantité, que ce soit en couleur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et du coup le joueur doit être de plus en plus vigilant pour découvrir tous les secrets que peut cacher un niveau, que ce soit les lettres KONG que l'on retrouve évidemment, que ce soit les pièces de puzzle également qui sont de retour sur cette version Wii U. Donc autant dire, lors de la sortie du jeu, on ne sera absolument pas surpris du jeu, on aura certainement les mêmes choses, on retrouvera certainement les mêmes qualités, les mêmes griefs que l'on pourra faire, que l'on a pu faire d'ailleurs aux versions Wii, à la version 3DS. Mais autant dire que quand on sait en plus que c'est Retro Studio qui est derrière le jeu, on peut être sûr que la qualité sera au rendez-vous. Alors, autre jeu de plateforme, là aussi surprenant de le retrouver en version jouable sur le stand de la Japan Expo de Nintendo, c'est Sonic Lost World, donc le fameux jeu qui fait partie du deal exclusif entre Sega et Nintendo. Donc Sonic Lost World, en fait, pour schématiser, on va vraiment retrouver le mélange entre un Sonic de base, un Sonic de base de plateforme, mélangé à l'univers de Super Mario Galaxy. Donc voilà, après on retrouve forcément les phases classiques de Sonic, que ce soit des phases où il faut éliminer les ennemis pour récupérer, voilà, pour libérer les animaux, ou bien des phases où il suffira d'appuyer sur le joystick tout droit pour passer automatiquement certaines plateformes. Pour le coup, là encore, la mablette n'est pas très très utile en soi, puisque elle nous permettra uniquement de regarder, de voir la progression, notre progression, la progression du joueur sur le niveau. Donc il y a uniquement ces informations-là qui étaient visibles sur la mablette. Donc Franchement, ça reste très sommaire en termes d'utilisation. Après, voilà, Sonic répond très bien. On retrouve vraiment le feeling des Sonic 3D, avec cette sensation évidemment de gigantisme, dû en fait, voilà, au fait que les niveaux soient présents sur différentes, on va dire, entre guillemets, planètes, comme on avait pu le voir auparavant sur les deux Super Mario Galaxy sortis précédemment sur Wii. Là encore, on n'a pas pu franchement tester, on n'a pas pu forcément se faire un avis très sûr, très définitif sur cette version-là. Graphiquement, c'était très beau, très classique, mais voilà, ça déchirait pas la rétine, comme on dit. Et on sait pas, on n'a pas forcément toutes les informations concernant les boss, concernant des personnages secondaires, concernant la durée de vie. Donc on verra ça plus tard, hein, sur de nouvelles impressions, sur de nouvelles démos. Sur Sonic Lost World, alors on parlait de Mario, on parlait de Sonic, alors on va parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques d'hiver, Sochi 2014, où on a pu tester deux épreuves. Donc une épreuve de snowboard plutôt classique, avec un joueur sur la mablette, l'autre joueur sur le combo Nunchuk télécommande. Ce qui était très agréable à jouer, très classique forcément, parce qu'on était sur une simple course de snowboard, il n'y avait pas de figure à effectuer, il fallait arriver le premier en bas avec le meilleur temps possible. Donc rien de très très très très intéressant en soi, rien de très original dans l'absolu. L'autre épreuve par contre était plus intéressante parce qu'elle mettait enfin les joueurs, quand on jouait à plusieurs évidemment, aux prises avec ce qu'on appelle le fameux gameplay asymétrique, c'est-à-dire que le joueur qui a la mablette n'a pas les mêmes informations, en tout cas ne joue pas de la même façon que les joueurs qui ont uniquement les contrôleurs classiques de la Wii. Alors, on va pas non plus s'extasier devant les possibilités du jeu, hein. Donc c'était sur l'épreuve pardon, de bobsleigh. Donc c'était sur l'épreuve de bobsleigh, où forcément le joueur 1 était le joueur qui gérait le bobsleigh, même si les deux autres joueurs en fait avaient également la possibilité d'incliner à gauche ou à droite le bob pour aller le plus vite possible. L'intérêt de la mablette, c'est qu'on le joueur numéro 1, le joueur qui menait le bob, et avait les informations concernant la maniabilité des autres joueurs. C'est-à-dire qu'il voyait s'il tournait à gauche, s'il tournait à droite. Hein, forcément, si on pousse dans le mauvais sens par rapport aux autres, et ben on est beaucoup moins efficace, on perd du temps. Et chose intéressante aussi, c'est qu'il y avait à chaque virage en fait des zones de boost. Donc forcément, si on loupe les zones de boost, et ben on va pas plus vite. Et le but étant d'avoir le temps le plus faible possible, on est contre-performant à ce niveau-là. Donc c'est une bonne entrée en matière, en tout cas sur le Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Là encore, hein, on s'attend à un jeu bien fini sur sa version définitive, avec beaucoup d'épreuves, avec un jeu qui aura plus d'intérêt à plusieurs que tout seul. Mais en tout cas, une bonne entrée en matière là encore sur ce jeu multijoueur. Alors une autre surprise et nouveauté disponible et jouable sur l'espace Nintendo à la Japan Expo, c'était le fameux Super Mario 3D World, révélé lors de l'E3 2013, de cette année. On retrouvait la phase classique de jeu de plateforme qu'on a pu voir en vidéo lors de la première présentation, avec forcément le nouveau costume, le costume de chat, avec les nouveautés, notamment que ce soit les tuyaux transparents, les items transparents aussi à révéler, par le biais de la mablette ou par le biais d'un saut forcé, c'est-à-dire qu'on saute, on appuie sur la touche du bas pour que Mario retombe très fortement sur le sol. La petite déception, bon, le costume de chat est très sympa et très mignon, plaira à beaucoup de monde, donc il permettra dans l'absolu en fait d'atteindre des zones que l'on ne peut pas atteindre autrement, puisque notamment avec les griffes du costume, il permettra de s'agripper, de grappiller les quelques centimètres qui manquent vers les endroits secrets. Le souci, là encore, je parlais de la mablette, mais il me semble que c'est un élément important dans la compréhension du jeu, dans l'utilisation du jeu, c'est qu'en fait, ce qu'il y a à l'écran de la télévision, c'est exactement la même chose qu'il y a sur l'écran de la mablette. Alors autant dire que c'est quelque peu dommage, puisque finalement autant jouer uniquement au Nunchuk et la télécommande pour avoir le même résultat. Ce qui aurait été intéressant de voir, c'est que justement l'écran de la meublette soit centré sur le joueur numéro 1, donc c'est-à-dire le joueur qui a la meublette entre les mains, et qui, pendant que les autres joueurs progressent sur la map, ce dernier aille visiter voilà, des endroits que l'on n'a pas forcément eu le temps d'aller voir. Parce que souvent, quand on est à plusieurs, en fait, on va pas forcément, on va vouloir aller à l'essentiel, c'est-à-dire vouloir aller le plus loin possible, le plus vite possible, et sans forcément prendre le temps d'aller chercher à droite à gauche les items qui peuvent s'y cacher. Alors, c'est un peu dommage. D'ailleurs, on pourrait espérer des maps un peu plus grandes sur la version Wii U. On était certainement sur des premiers niveaux qui seront disponibles dans la version définitive. Malgré tout, voilà, une petite déception. Après, voilà, ça reste un Mario, ça reste du classique. On est vraiment, même si on est sur des nouveautés, on est vraiment sur du classique, donc on a peu de risques d'être surpris. Donc, principalement négativement sur ces nouveaux jeux. Alors, un jeu également qui sera disponible très rapidement, puisqu'à la fin du mois, le 26 juillet exactement, et qui est attendu depuis quelques temps déjà, c'est Pikmin 3. Alors, pour être franc, sur le jeu, c'est la première fois que je joue à un Pikmin, donc je découvrais en même temps que la version Wii U l'univers Pikmin, où voilà, le but du jeu, là encore, on était sur une session multijoueur à deux, donc le but du jeu était de récupérer des ressources, donc des fruits à ramener au vaisseau du héros par le biais des Pikmin. Donc il y avait les Pikmin rouges de base que l'on, voilà, on a juste à les récupérer, on a juste à les approcher avec le curseur, pour ensuite leur indiquer la direction vers laquelle ils doivent aller. Alors voilà, rien de très très transcendant en tout cas. Mais chose intéressante, c'est qu'il y avait les nouveaux Pikmin présents uniquement sur la version Wii U, donc la version donc l'épisode 3 de Pikmin, à savoir les Pikmin noirs qui ont eux pour donc ils ont la possibilité évidemment de ramener les denrées, les ressources directement au vaisseau, mais également de libérer ces mêmes ressources qui sont emprisonnées dans la glace. Donc ça offre une dimension stratégique un peu plus forte, même si là encore on est sur des niveaux, je dirais, de base, mais pas forcément très intéressant, en tout cas n'offrant pas une complexité très, très importante. Le souci que j'ai connu, moi, en utilisant les sticks de la mablette, c'est que je les ai trouvés extrêmement sensibles, que ce soit pour montrer une cible au Pikmin, c'est-à-dire montrer notamment des fruits, puisque c'est principalement ça qu'il faudra récupérer, ou alors également casser des murs pour progresser plus facilement. Donc là-dessus, c'était un peu, je veux dire, quelque peu dubitatif. Graphiquement, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on soit en deux joueurs, le fait que ce soit le premier Pikmin que j'ai auquel je joue? Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça un peu faible, un peu aliasé, les textures pas forcément très fines. Voilà, donc un jeu qui plairait certainement à ceux qui connaissent la série, ceux qui sont fans de la série. Pour les autres, je leur conseillerais quand même de détester avant tout la partie, une première partie, pour voir si ça peut vous plaire ou pas, une démo notamment. Donc voilà, ça sort le 26 juillet, donc tout prochainement. Et enfin, donc un jeu, j'ai pas eu l'occasion de jouer parce qu'il y avait énormément de monde autour des bornes à la disposition des joueurs. Hein. C'est le fameux Zelda Wind Waker, version HD. Donc le Wind Waker, tout le monde connaît, tout le monde connaît en tout cas, qui était sorti sur GameCube avec une patte graphique très originale à l'époque, en cel shading, avec une animation toujours aussi impressionnante d'ailleurs. Voilà, donc ça restait là encore toujours aussi beau graphiquement. Le jeu n'a pas vieilli. Je pense même que si on ressort la GameCube, qu'on leur branche, ou si on branche la Wii, et qu'on lance Wind Waker dessus, on sera absolument pas déçu du résultat. Alors bon, j'ai pas pu tester, hein, mais voilà, on peut être sûr là encore qu'on sera sur une belle. Sur une, bah, pas de nouveauté, puisque le jeu est déjà sorti à l'époque sur GameCube, sur un joli remake qui permettra aux uns et aux autres de s'intéresser au jeu et à la Wii U également. Pas de véritable nouveauté au niveau du jeu, sauf ce qui a été annoncé au préalable, c'est-à-dire des modifications, notamment sur la partie bateau, qui cassait quelque peu le rythme sur la version GameCube. Donc on attend de voir là encore la version définitive du jeu. Et donc voilà ce qu'on peut dire notamment sur les jeux jouables sur le salon, sur la Japan Expo, sur la Wii U. Plutôt étonné, agréablement surpris même par rapport à ce qui était disponible jouable sur la console de salon Nintendo. Ça montre en tout cas que Nintendo a des belles cartouches en devenir pour les prochains mois, même si pour la plupart ce sont des jeux qui sont prévus en 2014, donc qui risquent de ne pas profiter à Nintendo sur la période de Noël. On se retrouve très rapidement sur de prochaines vidéos sur Art of Gaming. À bientôt!